sur toute la terre chante l'hymne de la bonté. J'aurai ta peau. Et leurs paroles salutaires sont les reflets de l'amitié. Maman, il me tue. La vie est une ensorceleuse, pleine de fleurs et de gaieté. Sors-y les tripes. Et sa clémence généreuse fait que sur notre humanité, là, il pleut des baisers. Il fait mal celui-là. Il pleut des caresses. Oh la vache. Tout est embrasé. Oh non, pas la barbe, c'est une vraie. Par de la tendresse. Comme on se plaît beaucoup. Coucou. On se prend par le cou. Coucou. On oublie ses tracas. Coucou. Et dans une douce ivresse, il pleut des baisers. Maman, il m'a pris mes billes. Il pleut des caresses. Ah non, pas ça. Jamais de problème, car le monde s'aime. Qu'est-ce que t'as? J'ai une poussière dans l'œil. On n'entend que des prières. L'homme pour l'homme est un copain. Je vais lui arracher la tête. Et chacun partage en frère ses trésors avec le voisin. Couple en deux. Même chez les grands de ce monde qui discutent notre univers. Je vais l'avoir ton pétrole. On a toujours la joie profonde de voir qu'autour du tapis vert. Oh, il pleut des baisers. Oh, on m'adore, la dernière. Il pleut des caresses. Oh, je vous en prie, monsieur. Tout est embrasé. Mais il m'a mordu. Par de la tendresse. L'amour est un appât. Papa. Que l'on suit pas à pas. Papa. Et sans avoir de répit. Papa. Tant et douce l'ivresse. Il pleut des baisers. Mais qu'est-ce qu'il vous prend? Il pleut des caresses. Garçon du sparadrap. Jamais de problème, car tout le monde s'aime. Pardon, monsieur, l'hôpital, s'il vous plaît.